Stop! Personne ne passe. Bonjour. Bonjour. Je suis perdu. On est où ici? Ici, c'est le pays Vicage. Tout le monde y peut rentrer, sauf les bâtons, les flics et les mythes. Et puis, ces deux snux. C'est quoi les snux? C'est notre monnaie d'échange, c'est gratuit. Et il y a un distributeur de l'autre côté de la frontière. Mais pour entrer, c'est deux snux. De l'autre côté de la frontière, mais pour entrer, c'est deux snus. Distributeur de l'autre côté de la frontière. Mais pour entrer, c'est deux snux. Dégage les touristes.